Ce soir, on va parler de notre alimentation et de champignons. Concernant l'alimentation, on va s'intéresser à l'empreinte environnementale de notre assiette et on verra que pour la diminuer, oui, on peut réduire notre consommation de viande, mais il y a d'autres pistes d'action. On verra ça à 18h30. Quant aux champignons, ceux dont on va parler, ce ne sont pas tout à fait ceux qu'on met dans notre assiette, mais ceux qui poussent dans l'eau. Si c'est une surprise pour vous que des champignons poussent dans l'eau et notamment dans le Saint-Laurent, rassurez-vous, pour moi aussi, jusqu'à ce que je rencontre l'équipe de recherche de Bioptère. Donc, je suis en compagnie de Félix-Antoine Bérubé-Simard et de Marie-Lie Tifo. Donc, Félix-Antoine est co-directeur du groupe Mycotechnologie de Bioptère. Pas très à cheval sur les titres, là, mais oui, co-directeur... de l'équipe Mycotechnologie. Voilà, et Marie-Lie Tifo est technicienne de laboratoire à Bioptère. Alors, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci. Alors, tout d'abord, j'aimerais que vous fassiez une présentation rapide de qu'est-ce que c'est Bioptère. Oui, bien sûr. Ben, Bioptère, en fait, c'est un CCTT, qui est un centre collégial de transfert des technologies. En fait, c'est un centre de recherche un peu comme un centre de recherche qui serait affilié à une université, mais dans notre cas, comme le nom l'indique, centre collégial, c'est affilié à un enseignement collégial. En fait, c'est associé au cégep de la Pocatière. Puis, en fait, ça se veut être une entité qui accompagne les entreprises pour les rendre plus compétitives là, au niveau provincial, national et international. Dans notre cas, on s'occupe de développement de bris, de bioproduits, produits qui sont généralement agro-environnementaux. Mm-hmm. Voilà. Et notamment une unité de recherche sur les bio, sur les mycomatériaux. D'ailleurs, Félix-Antoine, tu étais déjà venu nous les présenter, ces mycomatériaux, et c'est alors que j'avais pris connaissance de ces champignons marins. Oui, alors, tout à fait. Alors finalement, venons-en à ces champignons marins. J'imagine que c'est pas des champignons avec des chapeaux. Donc ça ressemble à quoi un champignon marin? La majorité effectivement des champignons marins sont davantage, je dirais, des champignons microscopiques, mais faut pas s'y méprendre. Il peut y avoir des champignons avec un fruit aussi, certaines espèces dont les cordyceps qui poussent, qui sont connus, qui frappent l'imaginaire pour pousser sur toutes sortes de substrats, dont des substrats animaux, des insectes, des mollusques, etc. Donc, on peut avoir des champignons qui pourraient produire des fruits. On en a d'ailleurs, nous, dans notre banque, et on a bien hâte de voir si on est capable de les faire fructifier. Ah, ouais. Mais effectivement, majoritairement, c'est les champignons microscopiques, des champignons qui sont en symbiose avec les plantes également. Et ceux qui sont évidemment dans le système digestif des animaux, donc dans la microflore intestinale des animaux aquatiques. Ah oui, donc ils sont en parasites? Ils peuvent être généralement ceux qui sont dans le microbiote de façon, je dirais, de façon indigène ou normale, c'est ceux-là qu'on retrouve à l'extérieur aussi, mais sont plus en symbiose que des parasites. Donc c'est soit... En fait, c'est ça, du mutualisme ou d'autres mécanismes. Mais il y a également les champignons parasitaires qui peuvent provenir, soit qui proviennent de la terre puis qui sont pas supposés normalement d'être là, mais avec les changements climatiques deviennent parasitaires du monde aquatique aussi. Là. Mais on a également des champignons parasites qui peuvent être là de manière naturelle. Là, on a des champignons marins qui peuvent, par exemple, parasiter plusieurs espèces de poissons. On a également des parasites qui sont pour les crustacés et les mollusques. C'est vraiment... les champignons marins occupent les rôles écologiques qu'ils occupent également de manière terrestre, c'est-à-dire autant parasitaires que des décomposeurs, que des symbiotes et que des... la base de la chaîne alimentaire pour beaucoup d'organismes. D'accord. Mais est-ce qu'on peut les voir visuellement? Est-ce que ça fait des filaments? Ils sont microscopiques, mais est-ce qu'on peut quand même les voir et ça fait des filaments? Ça s'assemble ou... Il y a plusieurs espèces de champignons. Il y en a certaines qu'on peut voir, par exemple, sur du bois de grève. Donc, il y a et le champignon au niveau du mycélium, donc ce que vous parlez là au niveau des filaments, un peu l'aspect cotonneux, si on veut, du champignon. Mais on peut également voir certains indices de leur présence, comme certains champignons qui peuvent produire des colorants. Donc, on peut voir sur certains bouts de bois ou des différents différents milieux, qui a, par exemple, une couleur bleutée, rosée. Plusieurs champignons sont capables de produire ces couleurs-là, donc on peut avoir des indices de leur présence comme ça. Est-ce que sous l'eau ou dans l'eau, est-ce qu'ils ont toujours besoin d'un support ou est-ce qu'ils peuvent flotter librement puis à un moment donné atterrir sur un résidu ou sur une algue pour pousser? En fait, les deux sont possibles. Donc, on a beaucoup de champignons qui préfèrent rester accrochés sur des substrats. Par contre, plusieurs champignons marins ont développé certaines caractéristiques puis qui leur permettent de nager en quelque sorte. Donc, certains se sont dotés, ont doté leur spores plutôt de genre de flagelles qui leur permettent littéralement de nager dans l'eau pour passer d'un substrat à un autre. Pour d'autres, ben c'est le passage par le tractus digestif qui permet de passer d'un espace à l'autre. Et encore, il y en a qui font simplement fragmenter leur mycélium pour se laisser aller au courant, puis ainsi aller coloniser de nouveaux endroits. Mm-hmm. Donc, c'est ça. En résumé, ils sont attachés à un milieu dans leur forme où ils sont les plus heureux, généralement. Mais... quand, en fait, les nutriments sont de plus en plus rares ou l'espace, ils doivent aller chercher d'autres nutriments ou d'autres lieux. Donc là, on peut les retrouver non attachés, peu comme sur Terre avec les spores, justement. Ouais, conquérir d'autres milieux pour trouver d'autres choses à manger ou un autre moyen de se reproduire. Exactement. Sur Terre, les champignons sont souvent associés à la dégradation des matières organiques et ensuite cette matière organique va être incorporée par d'autres organismes vivants. Donc pour les champignons marins, c'est la même chose, ça participe comme ça à une sorte de réseau trophique, j'imagine. Ils dégradent l'algue ou le poisson sur lequel ils poussent, je ne sais pas. Oui, tout à fait. Donc ils peuvent également occuper ce rôle écologique qui est de dégrader la matière organique, donc créer ce qu'on appelle de la neige marine, entre autres, là, dans des milieux qui sont vraiment marins. Également, ils sont capables de dégrader des choses que peu d'organismes peuvent faire, par exemple les coquilles de coquillages, donc les matières qui ont du calcium, qui sont assez difficiles à dégrader, surtout en milieu anoxique, donc sans oxygène ou presque sans oxygène, surtout en milieu à des très grandes profondeurs. Et les champignons s'occupent de faire cette dégradation-là pour retourner les nutriments au milieu. Donc, ça veut dire qu'on en trouve à différents niveaux dans la profondeur d'eau, aussi bien un peu en surface que complètement sur le fond? Tout à fait. On peut en trouver dans à toutes les profondeurs dans les colonnes d'eau. En fait, là où on les trouve le plus souvent, par contre, c'est également sur les substrats en tant que tels. Donc, du moment où il y a des parois rocheuses ou autres où le substrat peut se déposer ou les sédiments, on peut trouver des champignons. C'est sûr que c'est un peu plus rare d'en trouver directement dans la colonne d'eau en tant que telle, à moins d'être chanceux de tomber sur des spores ou des morceaux de mycélium qu'on parlait plus tôt qui se faisaient transporter par le courant. Marie-Lie, est-ce qu'il y a aussi là on parle des champignons marins, mais dans l'eau douce, est-ce qu'on en trouve aussi dans les lacs par exemple? Oui, on peut trouver des champignons dans l'eau douce, comme dans l'eau salée, comme dans l'eau saumâtre également. Donc, il y a vraiment les champignons qui colonisent tous les milieux naturels, y compris des milieux extrêmes comme les volcans sous-marins. Donc, il y a également des champignons qui se trouvent là dans des grandes failles. Vraiment, c'est des organismes très intéressants qui ont une capacité d'adaptation fulgurante. Mmh, donc, on en trouve aussi dans des eaux très froides, j'imagine? Tout à fait. Il y a beaucoup de champignons qui sont trouvés en Arctique. Les recherches sont assez récentes sur le sujet, mais il y a des champignons qui ont été trouvés même dans des glaces arctiques, dans des neiges éternelles et compagnie. Donc, c'est assez impressionnant, leur capacité de s'adapter à tous les milieux. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'ils ont de plus? Pourquoi s'intéresser aux champignons marins? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que les champignons terrestres? Parce que les champignons terrestres, on en trouve aussi dans toutes sortes de milieux. Donc, pourquoi s'intéresser comme ça à ces champignons marins qui sont peut-être pas très faciles à étudier en plus? Il y a comme deux points que vous avez mentionnés dans votre question. Le premier point, ils n'ont pas nécessairement quelque chose de plus, mais comme ils sont plus difficiles à aller chercher, on les connaît moins, donc on a plus grande possibilité d'en trouver des nouveaux. Donc, est-ce que ces nouveaux vont avoir quelque chose de plus? C'est une excellente question. On peut pas le savoir, mais ils peuvent avoir des propriétés différentes de ceux qui sont connus parce qu'évidemment, c'est plus facile d'échantillonner sur le sol que d'échantillonner en profondeur. Donc, ouais. Le deuxième point, pourquoi ils pourraient avoir quelque chose de plus, ben c'est les contraintes environnementales, en fait. Donc, Marie-Lie en a parlé un peu. Différents degrés de sel, dépendamment si on va proche des différentes températures de très froid à l'intérieur des vents thermiques, comme elle a dit, des températures qui peuvent être très élevées, la pression. Donc, tous ces paramètres environnementaux-là sont assez hostiles et font une pression sur le champignon. Donc, si le champignon n'est pas capable de s'adapter, il meurt. Puis, s'il est capable de s'adapter, à l'intérieur de lui, il modifie dans son métabolisme des molécules qui lui permettent de survivre ou de manger ou de s'alimenter ou d'utiliser une nouvelle source, justement, et par le fait même, des propriétés qui peuvent être très intéressantes, là, donc différentes de ce qu'on retrouve sur la Terre. Donc, on cherche s'il y a quelque chose d'intéressant, des propriétés qui pourraient être intéressantes pour nos propres usages, nous humains. Exactement, d'accord. Oui, c'est un peu égoïste. Il y a toujours aussi l'avancement des connaissances. Ouais. Là, découvrir un nouveau champignon, je veux dire, c'est super intéressant, mais nous, oui, égoïstement, quand on a commencé le projet, c'était pour identifier des capacité industrielle ou un intérêt agro-environnemental quelconque. Peut-être pharmaceutique, peut-être? Pharmaceutique aussi. On s'intéresse maintenant. Les champignons et bactéries marines sont une source incommensurable de nouvelles molécules à intérêt pharmaceutique. Là. On a d'ailleurs un projet pilote en collaboration avec des chercheurs à l'Université Laval qui, eux, s'intéressent à des anticancéreux puis à des antiviraux. Donc, oui. Est-ce que c'est un nouveau champ de recherche, les champignons marins? Oui, tout à fait. C'est un champ de recherche qui a commencé à frapper l'imaginaire il n'y a pas si longtemps. Donc, historiquement, on peut parler justement de la définition la plus exacte des champignons marins qui s'est faite en 2016. Donc, on parle de hier à peine au niveau de la science en tant que telle. Donc, il y a eu des recherches qui se sont faites avant, mais la démocratisation de ce thème-là, puis l'intérêt qu'ont les scientifiques et chercheurs pour les champignons marins est en croissance exponentielle depuis les deux dernières décennies, finalement. Donc, on est vraiment dans un champ émergent. Puis, c'est d'autant plus intéressant qu'il y a tout à découvrir de ce monde-là. Oui, certainement. Il ne doit pas y avoir beaucoup de laboratoires quand même. Bon, c'est un champ de recherche assez nouveau, assez émergent. Il ne doit pas y avoir beaucoup de laboratoires dans le monde, beaucoup de chercheurs qui s'intéressent à ces champignons marins. Ben, ça reste toujours subjectif, mais non. Je veux dire, dans l'ensemble des thèmes de recherche, effectivement, il y en a très peu. Il y a quelques laboratoires d'ailleurs, généralement, il faut que ça soit qui ait de l'eau. Là. Les pays qui s'y intéressent le plus ont accès à la mer ou du moins à des lacs. Là. Mais les États-Unis, dont Hawaï, beaucoup, et la Californie, la Chine, certains pays, dont la France en Europe. Le Japon, peut-être, vu qu'ils consomment des champignons, ils consomment des produits marins, peut-être que... Oui, exactement, mais on parle pas d'une dizaine de labos par pays non plus. Non, c'est ça. Puis même au Québec, vous devez être à peu près les seuls. au Québec, on est, en fait, on n'est pas les... On est les seuls, je dirais, qui pousse la caractérisation à ce point-là, à ma connaissance. Il y a d'autres labos qui s'intéressent aux champignons marins plus au niveau des lacs là, aussi. Ouais. Là, mais effectivement, on est très, très peu nombreux dans la communauté au Québec. Là. Mais concrètement, rentrons-y dans votre recherche, parce qu'en fait, ces champignons marins, il faut aller les chercher. Donc, vous allez chercher dans l'estuaire du Saint-Laurent. Vous faites comment pour aller les chercher? En fait, la mission, c'est une petite histoire que je vais vous conter. Ouais. Ça a commencé en 2020 avec un projet de maîtrise d'une personne chez Bioptère. C'est vraiment... germé de là l'intérêt pour les champignons marins. Puis moi, personnellement, j'ai été impliquée très tôt dans le procédé de recherche et on m'a invitée à aller sur un navire de recherche, donc le Lamsilis, pour aller échantillonner les premiers échantillons desquels on a pu tirer les champignons marins. Donc, on est vraiment allé sur des navires de recherche, puis par différents procédés, on a essayé la filtration, on a essayé également... des bennes à sédiments qui permettent de prendre grossièrement une pelletée de fond de fleuve et d'aller chercher là-dedans les sédiments, des morceaux de bois enfouis, également des coquilles et autres choses qui nous paraissaient d'intérêt. On a également utilisé des chaluts. Donc, cependant, il faut savoir que par conscience environnementale aussi, sachant que le chalut, c'est un engin de pêche qui est destructeur. On était en collaboration avec d'autres équipes de recherche qui, eux, cherchaient, par exemple, les poissons, les invertébrés, etc. Donc, tous les organismes qui ont été sortis des chaluts ont été utilisés pour des recherches scientifiques. Donc, c'est vraiment des navires de recherche où plusieurs équipes collaborent pour aller extraire des échantillons. Et ça, ça a été possible grâce au RQM, le Réseau Québec Maritime, qui a permis d'avoir accès à ces missions-là. Puis par la suite, ben, par un procédé d'isolation de ces champignons-là en laboratoire, on a vraiment été capable d'aller purifier nos échantillons puis être capable d'avoir des champignons distincts finalement pour l'identification par la suite. Donc, à partir des morceaux de bois, des morceaux de coquilles, des différents supports, vous avez réussi à extraire, à trouver, à aller pêcher ces espèces de ces petits champignons-là. Comment vous faites maintenant pour les maintenir? Est-ce que vous arrivez à les mettre en culture pour les maintenir ou faut retourner dans le Saint-Laurent pour en rechercher à nouveau? Ben non, ce qui est super intéressant avec les champignons, c'est que c'est des organismes qu'on peut cloner presque à l'infini. Donc, une fois qu'on les a extraits du Saint-Laurent, on n'a pas besoin d'aller y retourner. Donc, ça fait de ces champignons-là une ressource renouvelable également, qu'on n'a pas besoin d'aller retourner, déranger le milieu pour les acquérir. Puis, on les fait croître sur des milieux de culture sélectifs et spécifiques. En laboratoire, on a choisi des milieux qui miment le milieu marin, donc avec une salinité élevée, également un pH ajusté avec les paramètres du Saint-Laurent. Il faut leur donner à manger. Oui, exactement. Donc, par certains sucres qui sont plus généralement digestes par les champignons, parce qu'évidemment, on ne sait pas sur quoi on va tomber. Mm-hmm. Donc, on est allé avec des choses plus larges. Ah oui. Ben, on est capable de faire la culture de ces champignons-là. Puis, ce qui est super intéressant, c'est que dans les trois dernières années, pardon, on a pu sortir plus de 400 individus. Mmh. Puis on en a des nouveaux là, de la plus récente cueillette, si vous me permettez l'expression, qui sont encore en train d'être isolés à ce jour. Donc vraiment, la diversité est assez impressionnante, puis le nombre d'individus qu'on est capable d'aller chercher également. Donc là, maintenant, vous avez une bibliothèque, une champignothèque, je ne sais pas comment on appelle ça. une collection de champignons que vous maintenez. Comment vous avez réussi à les identifier les différents genres, les différentes espèces en les regardant au microscope? Oui, entre autres, on se base davantage sur une technique d'identification à base de l'ADN, mais on contre-vérifie toujours aussi avec leur apparence, là, qui nous donne quand même une bonne banque d'informations sur le champignon, puis historiquement, c'est aussi comme ça qu'on les identifiait. Mm-hmm. Mais en fait, on fait un extrait d'ADN à partir du mycélium de ces champignons et on envoie l'échantillon au séquençage, qui n'est pas un séquençage complet, là, qui est un séquençage de fragments d'environ 1000 paires de bases, là, ce qui est quand même très court comparativement à un génome complet. Puis on se base sur ce qu'on appelle, en fait, c'est de l'étiquetage génétique ou du barcoding, en fait, en anglais. Il y a des régions qui sont très conservés chez les champignons, mais juste assez variables pour voir les différences puis être capable de les identifier. Donc, on se base généralement, parce que c'est accessible et peu dispendieux, sur cette technique-là leur apparence. Toutefois, ça a ses limites, puisque les champignons, pendant longtemps, ont été boudés. Donc, comparativement aux bactéries ou à autres, il y a moins d'informations sur les champignons que sur plusieurs autres organismes. Et de deux, qui ont, encore une fois, un niveau de complexité avec des champignons, des fois, qui sont aquatiques obligatoires, donc on retrouve seulement dans l'eau, donc pour lesquels il y a aussi beaucoup moins d'informations. Mm-hmm. Donc, c'est un mélange de ce qu'ils ressemblent, de leur bouille, puis de ce qu'ils ont à l'intérieur, donc de leur ADN. Ben oui, parce que quand même, pour identifier quelque chose, faut avoir, si on va regarder les oiseaux, on voit des oiseaux, on a un guide d'oiseaux. Donc là, pour les champignons, je me fais un peu la même image. Vous regardez vos échantillons au microscope, il vous faut un guide, quelque chose. Est-ce qu'il existe déjà ce guide de champignons, alors qu'on en connaît si peu sur les Exactement, c'est là où est une partie du problème, en fait. Pour la séquence relativement conservée dont je vous parlais, Ben, la majorité des espèces de champignons, du moins terrestres, on a l'information, mm-hmm. puisque ben, c'est un petit séquençage non dispendieux, puis on voulait de l'information. Mais c'est pas pour tous les champignons que le génome complet a été séquencé. Donc, des fois, ben, seul ce petit morceau-là n'est pas suffisant pour avoir une assez bonne idée des différences par rapport aux autres. Donc, ben, c'est un peu une limitation là, mm-hmm. à ce niveau-là. Ceci étant dit, on parle de plusieurs cycles immergés terrestres, donc les champignons marins ont quand même colonisé la Terre et d'autres sont retournés, donc ils sont relativement proches les uns des autres, mm-hmm. mais on ne sait pas s'il y en a qui étaient dans l'eau, qui sont jamais sortis ou qui ont jamais été, là, les obligatoires justement, donc c'est mm-hmm. ça. On a de l'information, mais elle est incomplète. Mm-hmm. Mais est-ce que ça se peut que vous découvriez, que vous ayez des champignons qui ne sont pas encore référencés, donc que vous découvriez des nouvelles espèces? Oui, c'est tout à fait possible, sachant que des champignons marins, on estime qu'il y a environ 2000 champignons en 2021 qui ont été séquencés, identifiés, sur une approximation de 1 million de champignons marins existants. Donc, il y a tout à découvrir encore une fois. Là, on est dans un très vaste monde et surtout au niveau du fleuve Saint-Laurent, qui est un milieu assez particulier parce qu'on passe d'un milieu d'eau douce jusqu'à un milieu très salé et entre les deux, il y a l'eau saumâtre. Donc, tous ces microclimats-là qui sont assez spécifiques au fleuve Saint-Laurent, surtout qu'on est assez nordique au niveau de notre situation géographique, font en sorte que c'est des climats qui sont assez, assez particuliers à notre mm-hmm. zone, finalement. Donc, c'est fort probablement qu'on va tomber un jour sur un champignon qui n'aura pas été identifié. Vous ne pouvez pas vous fier sur les recherches qui sont faites en Californie. Là, ils ne doivent pas avoir les mêmes types de champignons. Non, exactement. Puis ça, c'est un autre des intérêts qui ont été trouvés. C'est qu'il y a très, très peu de recherches qui sont faites à notre parallèle, finalement, là, tu sais, à notre hauteur par rapport au nord. Donc, il y a vraiment beaucoup de zones grises encore qui restent à éclaircir. D'autant plus qu'il y a seulement 1% des micro-organismes, là, donc bactéries et champignons, qu'on est capable aussi de faire pousser en laboratoire. Ouais. Donc, ceux qu'on est capable de voir, ça représente seulement 1% de la totalité des micro-organismes. Là. Puis, c'est comme a dit Marie-Lie, mais à l'échelle, je dirais, planétaire, là, en 91, il y avait 70 000 espèces de champignons connues. On est à peu près proche de 150-200 000. Puis on projette à plus de 5,5 millions là, la totalité mm-hmm. des champignons. Fait qu'on est vraiment sur la pointe de l'iceberg, sans mauvais jeu de mots, pour la température. Donc maintenant, ce qu'il faut faire avec votre collection de champignons, c'est voir s'ils renferment des métabolites intéressants. Comment vous allez faire? Oui, ben, y a deux approches, en fait. Il y a l'approche quand on peut se permettre de séquencer le génome au complet, donc avec les bases de données qui sont connues pour telle partie d'ADN qui code pour des propriétés, que ce soit des enzymes mm-hmm. ou des voies métaboliques qui vont donner des molécules d'intérêt. Donc, en les séquençant au complet et en comparant avec ces connues, on peut faire une prédiction in silico, là, donc informatique, de que pourraient renfermer ces champignons-là. Et sinon, il y a la bonne vieille façon laboratoire, essai-erreur avec des milieux différents, si Marie-Lie, tu veux... Oui, tout à fait. En fait, on est en train de peaufiner nos techniques pour créer des milieux de culture qui sont différentiels. Donc, c'est-à-dire, souvent, c'est avec des indicateurs colorés qu'on est capable de voir s'il y a des enzymes ou pas d'enzymes particulières. Donc, ça, c'est une façon super facile et visuelle de caractériser nos champignons. Mais il y a beaucoup d'autres méthodes qui permettent justement d'ajouter des caractéristiques puis de mieux les connaître pour être capable de trouver des applications particulières à différentes espèces. Et là, ça veut dire, comme vous êtes un CCTT, donc normalement, il y a un partenaire industriel qui doit à un moment donné se manifester, qui serait intéressé par la production de tels métabolites. Exactement. En fait, où est-ce qu'on est rendu dans le projet, c'est un peu à la croisée des chemins. Donc, on recherche du financement, donc des entreprises ou... université ou n'importe quel milieu preneur qui serait intéressé à nous aider à découvrir mm-hmm. les caractéristiques de ces champignons-là. Parallèlement, on a déjà des propriétés connues pour certaines enzymes, pour certains, donc qu'il y a des clients associés déjà qui veulent pousser plus loin avec ces champignons-là. Mais oui, si vous êtes intéressé... start-up ou n'importe quelle entreprise, écrivez-nous, on va être bien heureux de travailler avec vous. Voilà, ben en tout cas, je ne sais pas si notre appétit gustatif est aiguisé par ces champignons marins, mais à coup sûr, notre intérêt, notre curiosité scientifique est assurément attisée par ces champignons. Alors, merci beaucoup, Félix-Antoine et Marie-Lie, d'être venus au micro de CKRL 89.1 pour nous présenter ce monde des champignons marins. Merci. Ça fait plaisir, un grand merci pour l'invitation. Donc, je rappelle que Félix-Antoine Bérubé-Simard est co-directeur du groupe Mycotechnologie à Bioptère et Marie-Lyne Tifot, technicienne de laboratoire et visiblement passionnée de ces champignons marins. À peine. Tout à fait.